Monsieur Alain Soral, vous êtes sociologue français, président d'égalité et réconciliation. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Soral, comment analysez-vous le rapport qu'a rendu public aujourd'hui l'Agence internationale de l'énergie atomique sur le programme nucléaire iranien? Déjà, il faut dire que cette agence présentée comme internationale et neutre dépend en fait de l'ONU, c'est-à-dire du pouvoir impérial américano-sioniste. Et donc en fait, on va dire en gros qu'ils disent à peu près ce qu'ils veulent et qu'ils ont envie, par ces conclusions, visiblement, d'accélérer le processus guerrier contre l'Iran. Donc ça, c'est la première réponse. Processus guerrier contre l'Iran qui répond surtout aux intérêts immédiats et à la volonté la plus directe de l'État d'Israël. Voilà. Alors, vous voulez dire que là, l'agence a fait un rapport partial, politique, non professionnel, pour plaire plutôt à l'empire américano-sioniste dont vous parlez? Oui, ça me paraît une évidence, puisque ça dépend de l'ONU. On sait que l'ONU n'est pas quelque chose qui siège au-dessus des nations, mais le bras armé de l'empire américain et américano-sioniste. On le vérifie tous les jours et de façon, je dirais, la plus brutale et la plus caricaturale avec la récente opération libyenne. Alors après, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est pourquoi serait-il si grave, même en admettant que le rapport soit exact, que l'Iran se dote de la bombe atomique, alors que l'État d'Israël possède la bombe atomique en contravention de tous les, comment dirais-je, de toutes les règles internationales, justement, qui sont à l'origine de ce rapport. Hein. Le dissident israélien Mordechai Vanunu a fait 18 ans de prison ferme pour révéler au monde que Adimona, et depuis des années, c'était mis en place un projet nucléaire militaire israélien qui est normalement interdit, justement, par le concert des nations. Et comme venant en fait de l'indiquer, M. Soral, personne ne parle de cette déposition certaine par le régime israélien de l'arme nucléaire, ni de son arsenal nucléaire le plus redoutable, ni de son programme nucléaire militaire. Ironie de l'histoire, c'est le régime israélien, le seul qui possède l'arme nucléaire au Moyen-Orient, qui dit que la communauté internationale doit respecter ses engagements à l'égard d'Israël en ce qui concerne l'Iran. Oui, ça démontre toute la tartufferie et l'escroquerie de ce qu'est l'ONU, le Nouvel Ordre Mondial et la réalité de l'empire américano-sioniste qui fait violence sur le monde et exige une soumission totale tout en prétendant défendre la liberté et la paix mondiale. Je précise aussi que le seul État de la région qui a effectivement déjà la bombe atomique à part Israël, c'est le Pakistan, et que cette bombe leur a été donnée également par l'Empire pour faire contrepoids à la puissance atomique indienne, ce dont d'ailleurs maintenant ils se mordent sans doute les doigts. Donc les plus dangereux proliférateurs de la force atomique sont de toute façon historiquement les Américains et les Américano-sionistes, car je le rappelle, les seuls qui ont utilisé la bombe atomique dans l'histoire du monde, et notamment sur des populations civiles et pour des raisons assez inutiles, sont les Américains à Hiroshima et Nagasaki. Donc c'est les derniers à avoir des leçons à donner au monde. Alors, une dernière question. Comme vous l'avez très bien dit, Monsieur de Soral, l'agence s'est mise en quelque sorte au service de l'empire américano-sioniste pour faire ce rapport politique partiel. Ne pensez-vous pas qu'avec une telle attitude, l'agence va se discrédibiliser totalement auprès de l'opinion publique internationale? Cette agence décrédibilisera auprès des pays qui résistent à l'Empire, mais comme l'Empire contrôle non seulement, je dirais, l'ONU et toutes ses officines, mais aussi la totalité des médias occidentaux, les masses occidentales, de toute façon, ne comprendront rien à cette histoire quand on voit la violence et la brutalité de la propagande officielle maintenant, comme on peut le voir sur l'Iran depuis des années, sur la Libye récemment. Je pense malheureusement que toute cette obscénité sera caché par le mensonge médiatique qui est à son plus haut niveau, qui est un niveau qui correspond à de la propagande de guerre, hein, déjà, d'ores et déjà.